quitté la rade, j'ai choisi mon camp, celui des nomades qui foutent le camp. Moi, d'un tour de piste m'aura convaincu, seule la vie d'artiste vaut d'être vécue. Rimbaud m'a d'ailleurs montré le sentier, disant j'ai horreur de tous les métiers. Et vite en l'ivresse d'un satisfait, mon cerveau crépite et vit sa paresse. Comme un feu follet, sa pensée divague, rivière étoilée coulant sur la vague. Rire, je me marre, balancé sur l'eau. C'est moi qui me barre, je suis un bateau. Celui des nomades, passeurs de leur temps, passeurs de leur temps, passeurs de leur temps.